Voilà. Eh bien, merci, mon gars Thomas. Bon, si je pouvais te faire un petit reproche, ne le prends pas mal, c'est que t'es pas spécialement bavard au niveau argumentaire dialectique. Tu as peut-être des lacunes. Ne le prends pas mal. Voilà. Merci, mon gars Thomas. Bon, ben voilà, c'était 3615 code emploi. Aujourd'hui, je recevais Thomas. Voilà. Finalement, vu comment qu'il est loquace, il aurait mieux de faire amende Claire Chazal. En même temps, il n'aurait pas eu de vierge après son décès. Hein, ça, c'est le seul. Ça. Voilà. Toujours est-il que c'était les Daéchiens en direct de France Inter. Bussière Beaufy. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un patelin en France. Ça se trouve à côté de Clermont-Ferrand, en dessous de Poitiers, à côté de La Rochelle, en dessous d'Angoulême. J'avais envie d'un peu vous préciser ce Bussière Beaufy sur la carte du monde. Et devinez où le micro ouvert part, vous emmène? Ben oui, à Bussière Beaufy, évidemment. Et c'est toujours cette idée de suivre cette caravane en itinérance d'Alem, donc Alem qui défend une autre manière d'habiter, hein, une autre manière d'habiter dans une maison. Voilà, parce que comme s'il y avait que cette manière-là de vivre, non, évidemment, il n'y a pas que cette manière-là de vivre. Et ils ont décidé de partir faire un tour en France pour rencontrer différents lieux qui font aussi de l'habitat alternatif, une autre manière d'habiter. Mais du coup, ils arrivent à Bussière Beaufy où c'est aussi un lieu où on accueille des yourtes, etc. Et c'est ça que j'ai besoin aussi que vous compreniez, parce que sinon, ça enlève un petit peu toute... Je ne suis pas sûre qu'on peut tout comprendre, mais vous allez entendre des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que Alem débarque à Bussière Beaufy, ils expliquent un peu leur caravane et blablabli et blablabla. Quand je dis blablabli, blablabla, je ne minimise pas ce qui se dit, chacun se présente. Donc Alem débarque dans un endroit, ne connaît pas forcément toutes les personnes qui s'y trouvent et vice-versa. Donc c'est vraiment une rencontre. Et puis une fois que les premières rencontres se font, vous savez, je me présente, et bien après, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Et c'est ce qu'on va entendre dans ce micro ouvert, c'est le vif du sujet, c'est-à-dire... ce système-là, dans lequel on n'est pas d'accord, parce que ça, on est tous d'accord sur un point, c'est que le système, on n'est pas d'accord avec lui, mais comment on fait pour la suite, quoi? C'est quoi les combats à mener? Voilà. Et vous allez entendre, c'est passionnant, même si c'est touchant, parce que... on touche vraiment aux émotions, à la passion comme ça, au cœur du sujet, quoi. Et c'est rare de pouvoir entendre vraiment des avis différents, bien tranchés. Écoutez. Première fois que moi j'ai discuté avec, j'ai commencé à travailler avec les assos de voyageurs en 2006 ou 2007. En fait, il y avait la question de, on a plein de copains, moi j'ai habité aussi en Tipeee, tout ça. On s'en fout de monter, on a choisi d'habiter là, on s'en fout de monter des bidons d'eau à notre Tipeee, parce qu'on a choisi de vivre là, et puis que c'est un truc, ça nous fait marrer, un peu de sport, on est des Indiens, on va à la rivière, on se baigne le cul dans l'eau. Voilà, on comprend pas qu'on nous emmerde, mais quelque part, de dire... on veut pas que l'accès à l'eau soit une condition pour nous virer. C'est aussi remettre en cause l'accès à l'eau pour tous. C'est-à-dire qu'est-ce que réclament les voyageurs fréquemment, c'est le fait d'être raccordé à l'eau et à l'électricité. Et c'est au-delà, même si En fait, on s'est rendu compte rapidement que c'était compliqué même de dire, mais alors, si vous mettez des super panneaux solaires et tout, maintenant, il y a des trucs assez chouettes qui se font quand même sur les camions. On a eu, donc à un moment, il y a eu plusieurs réunions de travail avec d'autres assos pour se dire, et si les voyageurs devenaient fer de lance de l'écologie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des caravanes équipées avec des panneaux solaires, machin, ils maîtrisaient la toilette sèche et compagnie. En fait, ça deviendrait des... Dans l'imaginaire des crados ambulants, ça deviendrait les fers de lance de l'exemple type de ce qu'il faut faire. Voilà, l'impact environnemental d'une caravane, c'est que dalle. Mais donc là où on s'est heurté à un problème, c'est que il y avait ce désir d'être raccordé à la société, raccordé au réseau, c'est et payer sa taxe d'habitation, c'est aussi être avec. Et c'est assez curieux parce que quand on voit parmi les personnes qui habitent en yourte, etc., dans des habitats alternatifs, quasiment tout le monde est prêt à payer sa part d'impôts locaux, en tout cas pour le ramassage des poubelles, etc. En tout cas de vouloir participer. Et voire même, on y mettrait même une espèce de fierté à le faire, alors que quand on est en maison, si on peut gruger un peu, on le fait, quoi. Pas de raccorder à la société, mais c'est de raccorder à l'économie, tout bonnement. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, ils préfèrent mettre des dalles en béton pour que les personnes aient se servir sur des robinets qui passent par des compteurs, je me dis que ça a des fins économiques. Quand je vois qu'ils veulent que les gens bâtissent en dur parce que de fabriquer une yourte, ben ça revient à 0 € et que ça ne fait pas faire un crédit sur 20 ans aux personnes, je me dis que les fins sont économiques aussi. De là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est le même dénominateur commun et que c'est systématiquement nous raccrocher à cette économie qui nous est aliénante pour nous maintenir dans un certain esclavage. Et nous faire re-rentrer tôt ou tard dans une dynamique de productivisme, de participer à l'augmentation du PIB. Leur intérêt est de maintenir une notion de rareté par rapport à l'argent, parce que s'il y avait de l'argent pour tout le monde, eh ben ça fonctionnerait pas, ce serait l'inflation. Donc il faut qu'il y ait des pauvres pour que ces messieurs puissent se gargariser de champagne au Phuket, tout simplement. Je voulais intervenir au sujet de l'écologie et de, voilà, justement de le fait d'être mobile et pourquoi pas de comment dire. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. J'ai un ami, lui, qui a joué le jeu complètement et qui a une phytoépuration embarquée, c'est-à-dire qu'il a une remorque accrochée au camion. Et du coup, ces eaux usées, en fait, elles partent pas parce que souvent, soit on a quelque chose pour les eaux usées, soit il faut l'avouer, la plupart du temps, l'eau, elle part comme ça. Avec des produits qui sont pas trop dégueulasses. Et lui, il a joué le jeu jusqu'au bout, justement pour prouver ça, pour montrer que je suis mobile, je suis en camion, mais je vous chie pas sur la gueule. En gros, c'est ça, quoi. Et il a sa phytoépuration embarquée sur sa remorque. Voilà. Donc c'est une initiative et je trouve que c'est pas mal de le saluer. Qui est ce il? Qui est l'ennemi? Où est ce il? Qui sont-ils? Qui est l'ennemi? Où est-il? Où est-il? J'ai une réponse, mais elle est très politique. Je pense que on a un problème. Nos générations, en tout cas, moi, je suis né en 70, donc je peux dire que finalement, j'ai eu mon adolescence avec des socialistes au pouvoir qui se sont empressés en fait de faire en sorte que justement on dise plus à nos parents qui s'étaient réjouis de voir les socialos arriver au pouvoir, on dise plus eux et nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bien empressés de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvement sociaux et que la conscience de classe, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a quand même des dominants et des dominés, quoi. Si on peut toujours raisonner de cette manière-là, c'est-à-dire quand tu vas parler des maires et tout, alors toi tu dis moi j'ai voté pour un maire, mais tu peux dire tiens je suis chercheur, je vais faire une enquête sur tous les maires de France, il y a 36 000 communes, combien il y a de maires au chômage, combien il y a de maires qui sont avec des minima sociaux, combien il y a de finalement d'ouvriers élu à l'Assemblée nationale. Combien de personnes, voilà, c'est ça. Donc là, tu dis oui, il y a en effet, je pense, une catégorie sociale qui est pourtant minoritaire, qui tient les rênes du pouvoir et qui oriente au-delà des rênes économiques, etc., qu'on connaît bien. On connaît quand même, il n'y a pas photo, il y a quand même des personnes qui orientent les sociétés pour des enrichissements, des profits personnels de leur catégorie sociale, en tout cas, même si c'est pas eux. Il y a également des orientations. Et quand on parle de l'urbanisme, c'est un code qui date des années 70 et qui n'existait pas avant et qui est hautement intéressant socialement, sociologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du partage du territoire, on parle du partage de l'usage du territoire. On va commencer à définir où on va mettre les riches et les pauvres et comment on va, où on va mettre l'activité, qu'est-ce qui va se passer dessus. On va mettre un certain nombre de règles. C'est-à-dire que, en fait, on met une limite à la propriété privée. Curieusement, on met une limite à la propriété privée et pourtant les propriétaires, les riches, je parle pas des petits propriétaires, mais les possédants, ceux qui ont tendance à voter à droite parce qu'ils ont une assise, qui veulent protéger finalement, ils ont des avantages, des privilèges, et qu'il y a le droit du sang par la transmission qui est l'héritage, ceux-là ne réagissent pas. Et pourquoi ils réagissent pas? Parce que ce code de l'urbanisme a été rédigé à leur avantage. Et que nous, on n'a pas su le saisir. Donc quand tu dis, il y a nous, il y a il... Il y a qui, c'est qui ce île? Je, ouais, mais moi, pour moi, il y a du île. C'est-à-dire qu'il y a réellement une catégorie sociale qui domine et que nous, on a un réel travail à faire en permanence pour faire en sorte qu'ils ne continuent pas à renforcer leurs privilèges. Et si on pouvait les abolir, je serais content. Effectivement, il y a une poignée de personnes qui, sous convergence économique, ont accédé à un certain pouvoir qui leur permettent d'aménager, eux, le vivre ensemble collectif. Moi, je crois que le problème principal, c'est nous, ce grand nous, du fait qu'on se conforte dans cette infantilisation que nous, dans laquelle nous amène l'électorat à systématiquement déléguer ce pouvoir qu'on a normalement d'aménager notre vivre ensemble et notre territoire à des personnes qui visiblement n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Donc c'est de persévérer à vouloir déléguer comme ça notre pouvoir de faire qu'au final on se retrouve à subir la tyrannie de quelques-uns. Quand les riches seront pauvres, les pauvres seront morts. Dans la tête ou dans les poches? Dans la tête ou dans les poches? Moi, je crois que déjà, on y est pas mal dans les deux bien enfoncés, donc... On a eu ce débat à Audal hier, en fait, sur un truc qu'on appelle... Il y a quelques années, on parlait pas mal du mouvement des 100. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc les sans-voix, les sans-le-sous, les sans-papiers, les sans-travail, les sans-tout ça, quoi. Donc c'est des mouvements au niveau international qui avaient commencé pas mal avec le mouvement des sans-terre du Brésil, je ne sais pas si vous avez connu, qui ont, voilà, avec évidemment, il y a toutes ces politiques d'accaparement des terres des pays anciennement colonisés, par en fait, ils sont toujours colonisés puisqu'ils sont colonisés économiquement. Donc le principe, en fait, du sens, c'est que finalement, est-ce que finalement, en se disant sans, ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça peut pas devenir une identité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce principe de classe sociale, classe populaire, etc., il est tellement plus utilisé et puis décrié à chaque fois par des intellectuels qui ont surtout pas envie qu'on en parle, que finalement, il y a peut-être des nouveaux concepts à utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu n'as pas, on t'interdit de participer à la politique. En grosso modo, si tu es au RSA, que tu as besoin, etc., d'un coup de paluche, on va faire en sorte de te faire croire que c'est de ta faute que tu es dans la merde et pas qu'il y a eu des stratégies politiques qui ont fait en sorte qu'il y ait des personnes qui soient en fait dans le besoin pour avoir des esclaves à pas cher. Parce qu'on sait ce que ça veut dire, le plein emploi, c'est la peur du patronat, c'est la peur des riches. La plein emploi, c'est qu'on peut commencer à négocier notre salaire. Et donc, plus il y a de chômage, plus les salaires seront bas. Et donc, quand ils nous disent, le MEDEF, etc., qu'ils vont faire des trucs pour le chômage, tout le monde sait qu'ils se foutent de notre gueule. Tout ça, c'est des évidences. Et que, en plus, donc, en fait, ils créent en fait, quand tu n'as pas, tu n'es pas, finalement. Et finalement, à force de pousser des personnes à être dans la merde, il finit généralement par se passer l'inverse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu en Grèce. Il y a 2 ans, notre grosse peur, c'était l'aube dorée. On pensait vraiment que c'est l'aube dorée qui allait gagner les élections. Tout le monde flippait de ça. Et on voyait bien, il y avait carrément l'aube dorée qui descendait dans la rue, qui tapait sur les migrants. On voyait des scènes vraiment super fortes, quoi, qui nous faisaient très peur. On les voyait monter, ils faisaient des chiffres incroyables. Et puis, ils se permettaient un peu tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la gauche qui passe en Grèce. Malgré ce qu'en disent quelques intellectuels français un peu qui ont surtout pas envie de soutenir ce qui se passe en Grèce actuellement. Et la réalité, c'est qu'ils sont allés tellement loin que les gens finissent par faire le phénomène inverse. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que le fait de recréer des mouvements de lutte, de résister par nous-mêmes, comme par exemple, moi, si je suis dans Alem, c'est ça que j'essaye de faire. J'essaye, le boulot de Alem est de faire en sorte de donner la parole à ceux qui l'ont pas pour parler, eux, de leur mode d'habiter. Et c'est ça qu'on fait plus. On va demander, on va toquer à la porte d'un parlementaire pour nous pondre une loi maintenant. On va aller demander de l'autorisation à la mairie, à ceci, cela. Alors qu'on va trouver que c'est légitime et que c'est normal de pouvoir vivre de cette manière-là, surtout dans un contexte de crise économique, de crise de logement, et en tout cas d'accaparement des terres par une minorité, et d'un code de l'urbanisme qui est complètement merdique et qui favorise les possédants, qui n'ont qu'une seule logique, eux, c'est la pression foncière. C'est la seule logique, c'est la logique des départements. En fait, ils ont construit un système, vous avez entendu, vous voyez que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà signé un acte notarié, devenu propriétaire, on dit, il y a les frais de notaire, ça coûte super cher. En fait, les frais de notaire, ce qui coûte super cher, c'est parce que le notaire se fout dans la poche. C'est les taxes qui partent. Voilà. Et vous savez ce que c'est que ces taxes? Ça s'appelle les droits de mutation. Et ces taxes, en fait, elles partent pour financer les départements, en grande partie. C'est 5%, ces taxes. Il y a 3,8% qui partent pour le département qui a comme compétence, finalement, la gestion de la pauvreté, la gestion du social. En grande partie, quoi. Le RSA, les handicapés, les vieux, les collèges, tout ça, c'est le Conseil Général. Et une petite partie pour les communes. C'est quand même 1,2% maintenant qu'il n'y a plus la taxe professionnelle. C'est énorme pour une commune. Pour vous dire, les droits de mutation touchés par le Conseil Général en Ariège, qui est à côté de la Haute-Vienne, c'est peanuts. L'année dernière, c'était 280 millions d'euros. C'est pas une paille. Je vous parle de l'Ariège, tu vois, petit département montagneux, quoi, et très pauvre. Je crois que c'est le deuxième département le plus pauvre de France. Donc, pour vous dire que c'est pas une paille du tout. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette logique qui fait faire financer les aides sociales par la vente de l'immobilier? Finalement, qu'est-ce que va faire celui qui doit s'occuper des pauvres? Il va s'occuper de chasser les pauvres. Parce que la présence de pauvres dévalue. Les initiatives comme celles que vous avez avec vos yourtes, vos cabanes et vos autoconstructions, je suis désolé, pour la pression foncière, c'est pas bon. Le fait d'acheter des terrains agricoles et de vouloir habiter dessus parce que le terrain agricole, il est pas cher, pour la transaction immobilière, c'est pas bon. C'est même, pour eux, la pire des catastrophes. C'est le lèche-majesté. Si jamais on peut commencer à habiter sur des terres agricoles en disant qu'on pourrit pas la terre parce que nos yourtes, c'est réversible, pour eux, c'est pas bon. Donc, en fait, la vraie logique de l'urbanisme et de l'attaque, elle est de surtout ne pas faire en sorte qu'il puisse y avoir ce genre d'initiative. Et donc, il y a bien des gens qui orchestrent ça. Il n'y a pas photo. Ils savent ce qu'ils font. Le jour où ils créent le droit de mutation, il y a je ne sais pas combien d'assauts qui sont derrière en leur disant « Hé, bande de connards, vous voyez bien ce que vous êtes en train de faire. » Ils le font quand même. Donc, fini la naïveté, quoi. À un moment, il faut se battre. Il faut résister. Collectivement, et c'est là qu'on fera évoluer le droit. Et c'est pas parce que Polo et moi, on aide des gens sur leurs dossiers que des fois on gagne nos procès qu'on gagne en réalité, on perd. Sur le terrain, on perd en permanence. Parce que si on fait le bilan de ce qui se passe même sur la commune de Bussière-Beaufy, je suis pas spécialiste, vous connaissez mieux que moi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'habitants maintenant qu'avant que ces campagnes de procès commencent. Arrivé, ça fait 30 ans qu'à Bussière-Beaufy, il y a des gens qui vivent en tipi, en yourte, t'as toute une histoire. Et c'est comme si c'était maintenant ancré dans l'inconscient collectif. Je pense que tu ne viras plus jamais, en tout cas pas dans un court terme, les gens qui vont venir ici à Bussière-Beaufy. C'est comme une terre d'accueil. Bon, c'est beaucoup Polo et Manu qui sont à l'origine de ça, mais non, à l'origine, il y a 30 ans, c'est pas eux d'ailleurs. Mais il y a toute une tradition, c'est comme si c'était ancré dans la terre maintenant. Les gens savent qu'ici, il y a une possibilité de vivre différemment. Donc tu vois, c'est même malgré les histoires de procès et tout, moi j'étais très surprise de m'apercevoir qu'en fait, il y a plein de gens qui sont revenus. C'est pas les mêmes, ça tourne depuis 30 ans, il y en a plein qui tournent, mais il y en a plein qui sont installés aussi. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, une fois que l'histoire se met en place, c'est comme si ça rentrait dans l'histoire de la Terre. Et... Non, c'est un... Je sais pas. Oui, non, c'est l'histoire de l'Opsi, il y a plein de trucs qui sont passés, je sais pas. Est-ce que le maire de Bussière-Beaufy... Non, le maire de Bussière-Beaufy, il a rien compris. Il est arrivé sur un territoire, il y avait des gens qui... Lui, il a acheté, il y a 30 ans, une baraque, une vieille maison seigneuriale. En creusant, en nettoyant les fondations d'un machin, il a trouvé les ruines gallo-romaines, il a reconstruit une tour, il a relevé d'un mètre. Enfin, il... Lui, il s'est installé là en se disant, tiens, c'est un... je me verrais bien élu ici. Et puis, petit à petit, il a essayé de s'introduire, donc on serre la louche à tout le monde et tout ça. Et puis, il a commencé à faire le conseiller municipal. Donc, il leur a dit, faut faire une carte communale. Vous pouvez récupérer les terrains, les biens de section, là, les biens communaux, enfin ceux qui appartiennent. Par exemple, là, on avait des terrains, d'ailleurs, c'est une lutte marrante, quoi. On avait des terrains qui étaient des biens de section qui appartenaient aux habitants du Petit Pic et du Grand Pic. Et alors, attends. En 2007 ou en 2005, il y a une loi qui passe qui dit quand les impôts n'ont pas été payés depuis 30 ans, la commune peut récupérer. Et le maire fait ça, sûrement conseillé par barrière. Moi, je vais le voir, je lui dis, mais on pourrait pas faire un syndic, là, un truc sympa, quoi. Vous convoquez les habitants du village, vous leur dites, faut payer l'impôt et puis vous gérez, quoi. Il me dit, non, c'est compliqué et tout, machin. Bon, à l'époque, on n'était pas organisé là-dessus. Mais quand le maire de Bussière actuel a voulu vendre au premier adjoint, et on s'est dit non, c'est pas possible. On a commencé à écrire au préfet. On lui dit ben écoutez, c'est un bien, c'est une tradition ancestrale, quoi. C'est un bien commun. Et de ce bien commun, il veut faire un bien privé. C'est pas possible quand même, quoi. Et là, en fait, il se trouvait que le premier adjoint, il avait participé au vote qui attribuait à sa compagne, qui est l'exploitante en titre, propriétaire des terrains. Enfin, bon. Et du coup, ils ont dû retirer la décision. Et il a dit, je classerai en bien public de la commune. Ce qu'il a jamais fait, c'est toujours un bien privé de la commune. Ceci dit, bon, des fois, il fait une connerie, il remblaye n'importe quoi, enfin, il verse dans la mare. Alors là, on l'engueule parce que bah, c'est le pays des grenouilles, c'est pas bien, ça, on va avoir plein de moustiques s'il n'y a plus de grenouilles, enfin bon. Mais là, sur le coup, quand il a voulu vendre au premier adjoint, on lui a mis une petite tarte, quoi. Là aussi. Tout le monde est au courant pour la tarte, hein. Non. Ah, on vous raconte, en fait, en 2011, ben, pendant la LOPSI, en fait, il y avait une copine qui était venue pendant un an filmer ici. Elle a fait un film qui s'appelle... comment ça s'appelle ? Les yourtes de la discorde. Voilà, un joli film où elle interviewe bien les gens. Elle a quand même un parti pris sympathique pour les yourtes. Et puis, en fait, c'est FR3 qui avait coproduit. Et on se retrouve en pleine LOPSI avec une projection à Bellac. Avec salle comble, 400 personnes, tous les élus, machin, tralala, et un débat qui commence, et le maire qui plastronne sur la scène avec un animateur vedette, une habitante des yourtes, la réalisatrice, et puis il y a des questions qui fusent, et puis le maire répond toujours avec sa superbe, et le premier adjoint de dire depuis la salle, oui, écoutez, ces gens-là sont hors cadre, il nous appartient de les recadrer, et le discours, voilà, ça commence à puer, et en même temps, on sent bien que le public, ils disent, putain, ils en font trop, ils sont pas bien, ils sont ouf, ceux-là, et en fait, à un moment, il y a mon voisin qui pose une question au maire, mais c'est pas une question, il dit, mais en fait, il prévient tout le public, il dit, en fait, il vous dit qu'il ne peut pas déroger à la règle, qu'il ne peut pas parce que c'est la loi et tout ça, mais c'est pas vrai, en fait, il ment. Il ment complètement. Ce type-là, c'est un fasciste. Il a dit, je vais nettoyer la commune. Pourquoi on le dit pas ici? Et tout. Et pendant qu'il parlait, en fait, il y a un type qui descend les marches avec un plateau à la main et qui passe devant les spectateurs du premier rang et paf, une colle, une grosse tarte à la crème dans la tronche du maire. Et ce n'était pas de la mousse à raser, je lui ai demandé après. Non, c'était de la crème. Et d'ailleurs, je lui ai dit après, alors, c'était quoi? C'était de la crème ou de la mousse à raser? Et tout, il m'a dit, c'était de la crème chantilly. Je lui ai dit, ah, vous avez de la chance, parce que la mousse à raser, c'est pas bon. Et donc, voilà, ça a un petit peu gâté quand même. C'est un petit peu gâté. Après, il a profité qu'on est venu camper sur ce terrain, alors qu'il était, on venait d'attaquer son arrêté anti-camping. On est quand même venu camper sur un terrain constructible, les seuls qui étaient autorisés, en fait, à accueillir du campement. Et dans le délai pendant une période d'un mois, on s'y est tenu, on a mis 4-5 yourtes, on n'était pas au-delà des trucs. Mais il en a profité pour attaquer les copains, dire « Ouais, c'en est trop, il y a de la provocation, machin, truc mûche, et tout ça. » Et il a porté plainte contre les yourtes pour infraction au code de l'urbanisme. Et voilà, pour le moment, ben, on saura le 24 novembre, ou peut-être pas en fait. La fin du feuilleton, c'est Noël. C'est Noël, ça va être rigolo, parce qu'en général, ils prennent un mois pour rendre un délibéré. Et Noël 2015, ils se mangent la fin du fin, et le tribunal annule toute la procédure. et donne peut-être raison. Hein. On ne sait pas comment on va nourrir le prochain procès, mais on peut être sujet à lui demander effectivement si le tribunal, enfin dans le réquisitoire, il faudra que notre avocat dise mais on a eu des dépens, notamment 6 000 euros pour la Cour de cassation, et peut-être la commune va se trouver obligée de rembourser. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. L'appel, c'est l'État. Hein. La commune n'a pas attaqué en appel. C'est l'État, c'est le procureur de la République. C'est eux qui ont été vachards. Grâce à M. Barrière et le climat totalitaire qu'il a pu instaurer sur Bussière-Beaufy, on peut que constater l'ampleur des dégâts et voir l'impératif qu'il y a à envisager une nouvelle forme d'organisation sociale et expérimenter des choses telles que l'autogestion et sortir un petit peu de cette délégation de pouvoir dans lequel on s'entretient avec l'électorat. Je rappelle que le pouvoir soi-disant autoritaire de M. Barrière, il n'a été possible parce qu'on lui a permis de le faire. Il ne faut pas donner plus de pouvoir à un individu, ce serait abandonner notre propre pouvoir. Et toujours dans cette histoire de yourte et de tout ce qui a géré, tout ce conflit qu'on a tous vécu, c'était très intéressant de vivre ça parce qu'on a pu voir un peu notre part de responsabilité. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne notre part de responsabilité dans cette histoire-là. Parce que jamais, jamais il aurait pu avoir le pouvoir qu'il a eu, soi-disant, si on ne lui avait pas donné et laissé. Diviser pour mieux régner, ça a été très facile pour lui. Ça a été du gâteau, parce qu'on lui a permis de le faire. Et il ne faut pas donner à cet homme plus de pouvoir, parce que ce serait une erreur. Il n'a pas plus de pouvoir que ça. Il a eu le rôle qu'il devait avoir, il a eu le rôle... Voilà, on a un enseignement à tirer, sinon ce serait un échec. Voilà, moi j'aime bien avoir mon pouvoir, je suis quelqu'un qui aime bien son pouvoir à lui, sur lui, et j'aime pas laisser mon pouvoir à l'autre, voilà. Et ça, j'aimerais bien qu'on arrête de stigmatiser sur ce mec-là, parce que ce qu'il a pu faire, c'est ce qu'on lui a permis et ce qu'on lui a autorisé à faire. Hein, et quand il y a eu les deuxièmes élections, là, les dernières élections, on a fait une liste et on a paumé, on a perdu. Donc oui, le petit Français votant moyen aime l'homme de plus de 70 ans, blanc, notable, ingénieur, col blanc. C'est une caricature, mais malheureusement, on est encore un pays féodal. La Révolution française, c'est une mystification. Les Français sont encore très monarchistes et ils aiment les hommes de pouvoir. Et on n'est pas prêt, femme, noir, arabe, tout ce qu'on veut, à accéder au pouvoir, et pauvre, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, malheureusement. Plus tous les abstentionnistes, eh ben, on se retrouve toujours dans le même système, c'est tout. Maintenant, moi, je ne le cautionne pas, ce système. Mais bon, ça aurait été bien qu'on gagne ces élections, et on s'est pris une grosse baffe. Hein, voilà. Il y aura des rois pour s'asseoir dessus. Je ne voudrais pas parler de pouvoir, mais de puissance d'agir. Puissance d'agir, c'est-à-dire comment on se réunit pour proposer des alternatives, comment on se réunit pour créer du bien commun. Reste maintenant, c'est cette liberté de création. Parce que là, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. On ne peut pas nous empêcher de créer. Léo, qui était là tout à l'heure, elle rappelait que Chirac, à un moment donné, on lui avait demandé, Monsieur le Président, est-ce que ça vous fait peur le terrorisme islamiste et tout? Il a dit, non, ce n'est pas les musulmans islamistes terroristes qui me font peur, ce sont les pacifistes. Parce que ce sont ceux-là qui vont créer. Ceux qui font le plus peur aujourd'hui à l'État, au pouvoir établi, ce sont ceux qui créent en marge des choses. Parce que ceux-là, on n'a pas de contrôle. C'est ça qu'il faut faire. C'est notre seule liberté, c'est de créer des choses différentes. Et ça sort du contrôle. Le pouvoir de la création, ce sera meilleur, toujours meilleur que la lutte. Pour moi, hein, c'est ça. La tyrannie des quelques-uns s'installe seulement à cause de la passivité de la majorité. Voilà. Mais les choses n'ont jamais été faites par la majorité, elles ont toujours été faites par des minorités. Les sociétés ont évolué. Ouais, les sociétés ont toujours évolué, si on peut parler d'évolution, par ce qu'on appelle les utopies. Et les utopies ont toujours été portées par des minorités. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, ça, moi, je trouve que la loi Allure, c'est déjà un début de quelque chose. Il se passe quelque chose. Ça veut dire que déjà, il y a un problème qui est reconnu. Donc, c'est une première étape. Il y a eu ma mère, j'ai bien écouté. Hein, il y a eu la loi ma mère, je connaissais même pas. Ensuite, la loi Allure. Bon, bah, c'est un début de quelque chose. Déjà, légiférer par rapport à quelque chose, c'est déjà reconnaître ce quelque chose. C'est bien, il faut continuer, et il faut continuer à faire en dépit des lois, parce que sinon on ne peut rien faire, on est d'accord. Oui, c'est pas avec les instruments du pouvoir qu'on arrivera à remédier à nos problèmes, alors que ce sont les hommes de pouvoir qui écrivent ces règles, et Si on joue à un jeu avec des personnes qui en écrivent les règles au fur et à mesure, on est quasiment sûr de perdre à tous les coups. Mais nous, on a tellement de lois et de règles. Il ne faut pas oublier que le système nazi, il n'a pas perdu, il a gagné. Hein. Pendant le système nazi, il y a un truc qui a été créé, c'était la Amtssprache, c'est-à-dire la langue administrative. Et on s'est aperçu que la langue administrative permettait d'avoir un pouvoir énorme sur les gens, parce que la dictature nazie, elle reposait sur deux choses, le pouvoir policier militaire, mais le pouvoir également administratif. En France, on a 4 millions de fonctionnaires, on a 300 000 loi, plus personne n'y comprend rien, mais c'est un vrai pouvoir, c'est un truc de contrôle, parce que nous, toute notre illusion économique repose sur le surendettement. On a un pays surendetté, et pour que le pays soit surendetté et que cette économie de bluff fonctionne, il faut que les gens soient surendettés. Donc il faut qu'ils bossent pour avoir des emprunts, et quand ils ont leurs emprunts, il faut qu'ils bossent. C'est cette logique-là, on est là-dedans. Et donc oui, tous les gens qui vont contrecarrer cette façon de vivre, ils vont emmerder le système. Et ils sont les ennemis numéro un, entre autres, mais il y en a plein d'autres des ennemis. Mais il se passe plein de choses aujourd'hui dans le monde. La dernière fois, il y a eu Michel Serres, le philosophe, qui s'exprimait à la radio. Il disait que s'il y avait autant de crises en ce moment dans ce pays et dans le monde, c'est parce que toute la société était en mutation. Et donc, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui se passe et c'est en train de bouger. Et ça va bouger. Moi, je suis assez positive sur les choses. Je viens de dire, alors peut-être que j'interprète mal. Mais moi, quand tu attaques un pays qui a plein de fonctionnaires, et que pour moi, c'est une erreur, en fait. C'est-à-dire que le réel problème, c'est que la crise, elle existe parce que c'est plus le citoyen, enfin nous-mêmes, qui finalement frappons notre monnaie. Aujourd'hui, c'est les banques qui frappent les monnaies. Et il y a eu, je pense, oui. Et avec le reste, ce que tu dis. Donc du coup, j'arrive pas à trouver la cohérence avec le fait que finalement, on a des personnes qui cherchent à systématiquement privatiser et qui s'arrangent bien du fait que le populo critique ses fonctionnaires, c'est-à-dire nous, parce que c'est nos outils théoriquement, et qui donc du coup au bout d'un moment c'est très facile pour eux parce qu'on tient de manière facile, aisée ce discours anti-fonctionnaire, anti-État, etc. Alors qu'en fait l'État c'est théoriquement nous. Et le problème c'est que aujourd'hui on fabrique plus notre monnaie. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec la Grèce. On sait exactement ce que c'est à dire que avant que ce connard, excusez-moi le terme, de Delors nous mette en place ce système européen où c'est plus les États qui fabriquent leur monnaie et qui fabriquent une politique qui choisissent de faire de l'inflation s'ils veulent faire de l'inflation et que ils nous diabolisent en fait l'inflation en disant ouais vous allez arriver avec des brouettes en mettant les brouettes de Deutsche Mark et la montée du nazi comme l'espèce de diable comme ça au-dessus de nous pour nous faire peur en fait alors qu'en fait c'était très bien l'inflation, c'était quelque chose de magnifique l'inflation, c'est-à-dire que on augmentait le SMIC avec l'inflation, c'est-à-dire que il y avait pas les problèmes qu'on avait là et c'est marchait tellement bien qu'en fait on appelle ces périodes là de forte inflation, on les appelle les 30 glorieuses. Tellement c'était génial. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents qui se sont finalement qui ont pu en tant que même prolo acheter leur propre maison. Et donc là on parlait donc des lois de 70, etc. Le problème pour moi il est bien plus vieux que ça. Le problème, il est de toute façon ancré dans notre société. Le jour où finalement, à la Révolution, ils ont décidé de mettre le mot sacré derrière un mot. Vous savez, c'est lequel ? Il y a rien qui est sacré normalement dans la loi. On parle de droit positif. Le droit positif, ça veut dire c'est l'humain qui fabrique la loi. C'est nous qui fabriquons les lois, contrairement au droit divin ou au droit coutumier. Et donc, on s'appuie théoriquement, notre constitution s'appuie sur du droit positif. Et pourtant, derrière, il y a derrière le mot propriété, il y a le mot sacré. Et le jour où ils ont mis le mot sacré derrière, c'était des voltairiens hein. C'était ces personnes là à cette époque là ils savaient très bien ce qu'ils mettaient derrière le mot sacré, derrière le mot derrière la superstition. Ils ont sacralisé en fait le droit du sang, le droit du fait tu possèdes quelque chose, tu le transmets à ton enfant et donc c'est ta famille et ta caste qui continuera à dominer par son pouvoir parce qu'il a des avantages et des privilèges sur l'autre qui ne possède pas. C'est ça qu'ils ont sacralisé. On est une société qui a ces appuis là et sans le l'inflation, c'est une catastrophe, parce que l'inflation permettait en fait de limiter le pouvoir des propriétaires. Et c'est parce que des personnes se sont enrichies pendant cette période des 30 glorieuses qu'ils ont dit, quand ils ont foutu Mitterrand au pouvoir, ils ont dit hop, on arrête l'inflation tout de suite. Maintenant, il s'agit pas que notre propriété se dévalue avec une inflation, parce que le capital, lui, il augmente pas sur une inflation. C'est tout le monde qui s'enrichit sur une inflation. Et donc le problème, il est là. Moi, j'ai pas envie de critiquer finalement un système régulé de l'économie. Non, mais les 4 millions de fonctionnaires, ils régulent rien du tout. Hein, je suis désolée. Dans les 4 millions de fonctionnaires, tu vas avoir des gens qui sont employés au niveau du service public, hein, tout ce qui est éducation nationale, etc. Mais regarde la place prépondérante qui est en train de prendre dans les hôpitaux, dans tout le système de la santé, de l'éducation, de la culture, etc. Les bureaucrates. La Amtssprache, c'est la langue de l'administration. Sur les 4 millions de fonctionnaires, je ne sais pas combien on en a, qui ne sont là que pour servir l'administratif, le bureaucratique, et tout ce qui va être réglementation. Réglementation, c'est pas moi, je suis... Comment ? T'es pour la privatisation des hôpitaux et des écoles ? Ah non, moi je suis au-delà de ça. Moi, je suis pour éradiquer tout ce système qui est un système pourri. Si tu veux qu'on parle de la sécu, c'est un système pourri. Moi, je suis voilà, tout le système de la santé, je travaille en médecine quantique, en médecine douce. Donc évidemment, je vais être contre le système de la médecine conventionnelle qui ne fait que servir les laboratoires pharmaceutiques et c'est une vaste mystification. Donc ça, on va pas aborder ce sujet-là. Mais en tout cas, quand tu vois que les hôpitaux aujourd'hui sont gérés au niveau de la direction par des bureaucrates, des gestionnaires, et non plus des médecins. Donc il n'y a plus une histoire de santé derrière, il y a une histoire de rentabilité, il y a une histoire de comment on va faire du fric. Et ce sont tous ces gens qui servent la cause. Quand tu as, dès que tu as un problème avec une loi, une réglementation, tu vas appeler un service, que ce soit la DDT, que ce soit le service vétérinaire qui contrôle aujourd'hui, qui emmerde tous les éleveurs avec les nouvelles lois sur l'élevage, c'est infernal. Tu as des bons petits fonctionnaires qui obéissent au système. Et ça ne peut fonctionner que comme ça, parce qu'il y a des flics, parce qu'il y a des gendarmes, parce qu'il y a de l'armée et parce qu'il y a des bureaucrates pour faire appliquer ces règles qu'ils ne remettent jamais en question. C'est tout le système de Milgram, c'est tout ce que Milgram a exprimé dans son expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'accepte. C'est pas moi, c'est lui. Ich bin nicht guilty. J'ai reçu l'ordre et j'applique la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. La bête immonde de Hannah Arendt. C'est ce que Hannah Arendt a dénoncé dans La bête immonde. Et moi, je sors de trois ans de contractualisation voilà, pour le ministère de la Justice entre travailleurs sociaux. Et je peux vous dire qu'il y a des dysfonctionnements. Et ce qui est malheureux, c'est un petit peu ce que. Aussi, il y a un vrai parallèle à faire avec ce qui se passe dans le code de l'urbanisme et la propriété. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une richesse d'être titulaire. Et quand tu es titulaire, tu ne veux pas faire de vagues. Et aujourd'hui, en fait, les gens qui ont les mains dans le cambouis, dans le travail social, par exemple, dans les administrations, en fait, on se rend compte qu'ils sont moins nombreux que la hiérarchie. Et c'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui sont dans la hiérarchie, qui coûtent un pognon pas possible et qui font pas le travail. Ils ont pas les mains dans le cambouis. Et en réalité, le système a fonctionné tant bien que mal depuis quelques années parce qu'il y a beaucoup de contractuels qui ont des statuts ultra précaires. Moi, j'ai eu 4 contrats en 3 ans. Nulle part dans le privé, ça peut exister. Et au bout de 3 ans, on vous dit, et j'ai fait des résultats qui sont excellents, mais il suffit qu'en haut, il n'y a plus de budget. Et on dit, on arrête parce que c'est ce qui se passe, on est en crise, donc on va virer les contractuels. Et dans les titulaires, tu t'aperçois qu'il y a toute une masse de gens, ce qu'ils veulent, ils ont une sécurité, ils veulent pas faire de vagues. Et surtout, c'est ça la bête immonde. Ils attendent l'ordre et ils prennent aucune initiative, aucune créativité. C'est un système qui plombe, un système qui pèse. Et c'est terrible parce que c'est notre argent. Exact. Et c'est notre argent et c'est pareil que les lois, on devrait les faire. On devrait avoir un regard vis-à-vis de ça. Et c'est là où il y a un dysfonctionnement voilà, de notre si fière démocratie française avec les droits de l'homme en avant. Quoi. Je pense que si toute cette grosse machine-là, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle nous fait, c'est juste parce que derrière, il y a des gens qui payent leurs impôts, qui font des courses, qui payent leurs taxes d'habitation et qui financent toute cette machine. Il suffirait de 7% que 7% de la population locative fasse une grève des loyers pour que les tribunaux soient saturés et qu'ils puissent plus faire d'expulsion. Et plus personne n'aura payé ni taxes d'habitation, ni loyer, ni quoi que ce soit. Et je pense que clairement, il faut voir plus loin et se dire, ok, d'accord, le système il gaspille, le système il produit des produits de merde, on nourrit plein de gens pour rien. Et ben ok. Et ben aujourd'hui, il n'y a plus besoin de travailler pour produire. Alors produisons nos besoins. Ça nous prendra très peu de temps et arrêtons d'aller faire des courses, arrêtons de faire fonctionner l'économie et le système du jour au lendemain, il s'arrête. Là, on pacifique le boycott. Le problème, l'État, c'est pas nous. On parle de démocratie, mais démos kratos. La racine de démocratie, si je ne me trompe pas, c'est le pouvoir du peuple. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on fonctionne avec un système électique, l'élection. Donc l'élection, par définition, c'est complètement aux antipodes du pouvoir du peuple. Donc tant qu'on continuera à déléguer ce pouvoir, eh ben, on ne pourra pas prétendre à être dans une démocratie. Et on ne pourra pas aménager le territoire en fonction de nos besoins à nous. Mais ceux qui le font par rapport à leurs besoins à eux, qui est l'économie. Parce que pour financer les campagnes, il faut de l'argent. Pour être médiatisé, il faut de l'argent. Ils souhaitent conserver la strate sociale sur laquelle ils sont reposés, parce qu'ils ont envie de conserver leur intérêt et leur confort, tout bonnement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser, et je suis désolé, je vais être violent dans mon discours, que tout... D'accord, mais je t'attaque pas toi, hein. J'attaque franchement, ton discours m'a heurté, donc je te dis ce qui me heurte dans ton discours, c'est que pour moi, tu fais le discours du capitalisme, mais avec une violence et une franchise en plus étonnante. C'est-à-dire, moi je m'explique en fait, dans ton discours, moi tu m'as fait un amalgame en fait, du coup j'ai été à un moment donné, en fait je peux plus répondre évidemment, si tu commences à me parler des flics et tu fais l'amalgame avec les hôpitaux, etc., j'ai un peu du mal. Franchement, bon, que t'es choisi la médecine douce, c'est une chose. Que d'autres personnes choisissent la médecine douce quand ça va pas trop mal pour rester solide et en bonne santé, etc., peut-être c'est bien. C'est pas mon combat pour l'instant, mais je comprends. En attendant, quand quelqu'un est complètement de guingois, on l'emmène à l'hosto. Et que quand il y a vraiment un truc qui, voilà, à l'article de la mort, en tout cas, moi, je le fais. Et donc, en tout cas, c'est un droit que je revendique de pouvoir l'emmener à l'hosto. Et donc, ce que je constate quand même, c'est que le réel problème aujourd'hui avec les hôpitaux, avec les transports en commun, avec toutes ces choses qu'on a envie, en fait, de défendre, on a peut-être un peu le mythe du facteur qui, il y a encore pas si longtemps que ça, emmenait la lettre en vélo à la mamie là-haut. Et pourtant le timbre était à 1,50 € ou même pas. Et donc ces valeurs-là, ces choses qui nous semblent en fait d'un intérêt commun, que finalement elles n'ont pas de prix en fait. C'est notre société qui les fabrique. Et il y a des choses comme ça que moi je défends, qui ont été acquises par des luttes, et notamment je pense aux luttes à l'après-guerre, parce que en après-guerre c'est évident que les capitalistes s'étaient comportés en collaborateurs avec les nazis, et donc du coup les communistes qui avaient un peu plus de pouvoir, les personnes qui avaient un peu d'autres idées, ils ont imposé la retraite, ils ont imposé donc la solidarité, ils ont imposé le système de sécurité sociale, ils ont imposé toutes ces choses-là, et par la force. Et qu'après, il y a des personnes qui s'amusent à les détricoter, ces choses-là. Et que ça n'ait plus de sens. Et que ce que tu dis là, c'est vrai. Je ne dis pas que tu as tort dans ce que tu décris. Mais par contre, je ne peux pas te suivre dans l'analyse. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils cherchent à privatiser. Ils cherchent à faire de la rentabilité, alors qu'il n'était pas question de rentabilité quand on créait la sécurité sociale et quand on fait fonctionner les hôpitaux. Et moi, je pense que c'est très important de garder ça en tête. Et parce qu'il y a un système de solidarité qu'on met en place, un système de mutuelle. C'est-à-dire que si on se retrouvait là et ça n'existait plus, on serait par exemple là, on est à Bussière-Beaufils, ça n'existe plus, moi j'habite ici, et ben tu sais quoi, je m'empresserais à créer un système de mutuelle, à faire en sorte qu'une personne ne reste pas isolée dans une situation précaire, une situation où il se met en danger tout seul parce qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins ou parce qu'il a un vrai problème. Et donc, le système des mutuelles, qui a été inventé par les anarchistes, en attendant par Proudhon en Normandie, et ça marchait très bien, c'était pour résister en fait au patron. On faisait des grèves un peu longues, on n'avait pas de quoi bouffer, il fallait bien faire en sorte qu'on commence à solidariser, à faire des caisses en commun, etc., pour que quand il y en avait un qui se trouvait viré parce qu'il avait trop gueulé, eh ben on puisse continuer à faire, il puisse continuer à nourrir sa famille. Et comme ça, il restait dans la lutte et on continuait la lutte. Et moi, ces choses-là, j'y tiens. J'y tiens beaucoup à cet état d'esprit. Donc j'ai du mal à entendre des raccourcis et des amalgames comme tu en as fait quelques-uns. Parce que moi, franchement, les flics, je les hais. Plus les haïr que moi, en fait, quand je les croise, j'ai la chair de poule comme ça. Et pour emmerder les flics, tu peux pas faire mieux. Je les déteste tellement que, franchement, quand ils tombent sur moi, ils tombent sur un os. Et franchement, je les fais chier et je prends un malin plaisir. J'en ai besoin. C'est presque vital, moi. Il y en a, ils font du yoga. Moi, je fais chier les flics. Donc du coup, le fait de pour me sentir bien. Et donc le fait d'entendre ton discours et puis d'entendre en même temps me parler des flics et de l'armée et du machin, je peux pas. Excuse-moi, je peux pas. Pour moi, le discours, il est pas là. Et en attendant de faire quand même très attention de ne pas critiquer ce qui nous protège et qui sont en train de déconstruire et qui utilisent finalement le discours et certains discours certains amalgames que j'ai entendus là, qui leur permettent en fait à eux de déconstruire ce qui nous appartient. Et qui, même si c'est imparfait, même s'il faut faire mieux, et même si c'est devenu déjà complètement pourri, on a un putain de combat de solidarité à faire. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Pourquoi tu crois qu'on passe autant de temps bénévole, machin, tu vois, là, tout l'été, je passe derrière la caravane de Halem, etc. Est-ce que j'ai un intérêt privé là-dedans? J'ai aucun intérêt privé. Le seul intérêt privé, en fait, c'est d'arriver à partir de sur tous les lieux où on va passer, d'avoir mis une petite graine en disant, faut qu'on se batte. Faut qu'on se batte et qu'on soit solidaire pour faire reculer leur putain de règlement de merde. Et quand on dit oui, on appelle l'urbanisme, etc. Évidemment, l'urbanisme, c'est de la merde. On l'a déjà dit tout à l'heure. L'urbanisme, il est fait par des gens qui possèdent, des gens d'une classe dominante et qui décident comment on va partager le territoire. Ils ont décidé un jour de faire ça. Alors en effet, c'est des représentants de l'État. Ils nous emmerdent et évidemment, le technicien, il nous fait chier. Et donc, nous, notre boulot, c'est de faire du contre-pouvoir. Et donc on va faire ce putain de contre-pouvoir parce que il protège les intérêts d'une minorité et en effet, comme disait le camarade, il protège leur petit salaire, etc. Ils se posent pas trop de questions. De temps en temps, on rencontre un petit technicien qui nous explique comment ça marche, ça nous aide bien. Mais c'est super rare. Et évidemment, la grosse majorité, c'est des grosses têtes de nœuds. Et ben, il y en a. C'est la grosse majorité même. Et je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, je suis désolé. Un hôpital où on emmène quelqu'un qui est tout guingois et avant de lui demander ses paplards, on le soigne, ça m'intéresse. Tu vois, il y a quand même un certain nombre de choses. Et ces choses-là, c'est notre société. C'est une culture qui a été créée à une époque et qui se déconstruit. Et en fait, on doit se bagarrer pour la reconstruire, cette société de solidarité, quoi. Et en quoi on a besoin du gouvernement pour répondre à nos besoins et être solidaire face à des valeurs communes et pour s'organiser? Je pense que si on demande à d'autres de s'organiser à notre place, on est infantilisé, on a d'autant plus de mal à s'organiser nous-mêmes. Si je peux, par rapport à ce que tu disais juste à l'instant, moi je me souviens d'une fois, ça devait être en 2008 ou 2009, où je me suis fait casser la gueule dans la rue pour rien. Je suis arrivé à l'hôpital et la standardiste, elle a pas voulu me faire voir un médecin parce que j'avais pas de numéro de sécu. Donc ce truc-là, ça fait déjà bien longtemps que ça n'existe plus, le t'arrives, on t'accueille, on te soigne. Alors je suis d'accord avec toi qu'il y a des situations où il faut des hôpitaux. Je suis d'accord avec toi que les hôpitaux privés, c'est une aberration. Mais de dire que du coup, il faut que les hôpitaux soient gérés par le gouvernement, ça c'est super simpliste. Il y a plein d'autres façons de gérer des hôpitaux. Au Mexique, les indigènes du Chiapas, ils ont demandé des hôpitaux, ils ont demandé des routes, ils ont demandé des écoles, ils n'ont jamais rien obtenu du gouvernement. Un jour, ils en ont eu marre, ils se sont insurgés. Et ils sont organisés. Et ils ont construit des cliniques, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des écoles, ils ont construit des routes. Et aujourd'hui, ben, ils se démerdent, ils s'organisent. Alors bien sûr, ben, il y a le gouvernement autour qui continue à leur faire la guerre et à leur tirer dessus de temps en temps. Mais s'ils leur tirent dessus, c'est avec des armes françaises. Et s'ils peuvent leur tirer dessus avec des armes françaises, c'est parce que nous, de notre côté, ben, on continue à essayer de lutter contre le pouvoir au lieu de construire sans lui. Et c'est pas des contre-pouvoirs qu'il faut construire, c'est des pouvoirs parallèles. Parce que là, je vais m'agacer, quoi. De me dire que moi, je suis complice du pouvoir français qui fait de la merde, ça m'insupporte. Parce que je suis complètement d'accord avec toi et que je trouve que tu fais un raccourci un peu à la con, là. Franchement, je sais très bien que l'armée française, je sais exactement ce qu'elle fait et je suis complètement d'accord avec toi et je vais défendre les luttes du Chiapas. C'est pas ça que je suis en train de parler. Faut pas déconstruire quelque chose. Franchement, non, il faut essayer de se comprendre. On est dans le même camp. On est dans le même camp. Moi, je le prends comme une attaque directe. Ce que tu viens de dire, tu es en train de me dire que je suis du côté de. Je suis complice du pouvoir. Franchement. Mais non, on essaye de se comprendre. D'un côté, tu dois le recevoir de l'autre. Moi, je vais remettre en question. Moi, je vais te ressouligner tes amalgames à toi. Tu confonds deux choses. Tu confonds fonction publique et tu confonds bureaucratie. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et tu n'as pas compris. Donc, première chose, il y a deux choses différentes. Il y a la fonction publique. La fonction publique, c'est ce qui sert tous les citoyens, médecins, instituteurs, professeurs, etc., etc., et je vais ajouter la police, parce que parfois t'en as besoin de la police, et je vais ajouter les magistrats, parce que parfois ils créent des zones de tempérance, et c'est fondamental. Après, il y a ce que je vais appeler la bureaucratie, et la bureaucratie, elle est au service d'un État qui est perverti. L'État français est un des plus corrompus d'Europe, et ça, faut pas l'oublier. Maintenant, tu as une image épinale de l'hôpital. Moi, je vais te dire, toutes les initiatives intéressantes qu'on trouve à l'hôpital, aujourd'hui, elles se font dans les cliniques privées. C'est triste, mais c'est comme ça. Et maintenant, je vais reparler des médecines naturelles. Par exemple, pour les accouchements dits physiologiques, il y a certains CHU, par exemple à Montpellier, j'ai accouché de ma deuxième fille dans un CHU. J'avais des acupunctrices en salle de travail, j'avais des homéopathes, des acupunctrices, des sages-femmes qui sont venues, qui m'ont massé, j'avais la possibilité de tout ça. Quoi. Voilà. Donc je tiens à le dire, c'était là, il y a en 2012, il y a 3 ans. Et c'est nouveau, parce que pour ma première, j'ai accouché en clinique et ça s'est très mal passé. On m'a fait tout ce qu'on a pu pour gagner du fric, quoi, jusqu'à une césarienne d'urgence. Voilà. Alors pour moi, il y a des acquis sociaux qui sont extraordinaires, qui ont beaucoup de défauts, mais qui sont extraordinaires et qu'il ne faut surtout pas perdre, et que le but de beaucoup de capitalistes est de supprimer par des privatisations. Et si on ne se rend pas compte, parce que ce n'est pas parfait, parce que ceci, parce que cela, que ces choses-là sont fondamentales, c'est dû à des combats, c'est dû à plein de choses. Il y a des gens qui sont morts d'ailleurs. Hein. Le droit à la médecine, le droit à l'enseignement et tout ça. Et même s'il y a des choses, bien sûr qu'il y a des choses à perfectionner, à changer. Mais cette base-là de droits sociaux, d'acquis sociaux, de biens communs, il ne faut surtout pas les perdre sous prétexte que ceci, cela, ce n'est pas exotique. C'est ça que veulent les gens qui veulent les privatisations, c'est supprimer tous ces acquis sociaux. Non, tu pars des acquis sociaux qui existent déjà, tu construis un nouveau monde, mais tu craches pas dans la soupe que tu as bu enfant et qu'il y a fait qu'on s'est parlé comme on parle maintenant. Voilà ce que je pense. Je vais reparler de l'hôpital. Hein. Vous avez une vision de l'hôpital qui est épinale et qui est ancestrale. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, depuis 2012... Le docteur était formidable. À l'hôpital, ok, on est d'accord. Sauf que depuis 2012, par exemple en cancérologie, les cancérologues n'ont plus aucune marge de manœuvre en matière de thérapeutique. Ce sont des protocoles. On est passé dans un monde de protocoles. Ça, c'est une chose importante. Il faut savoir que tout le système de la santé est noyauté par les laboratoires pharmaceutiques qui dictent leurs lois. Nous, en médecine naturelle, on est fliqués, on est fichés, on est mis au banc, on passe parfois au tribunal. Il y en a qui se suicident. C'est vraiment un grand problème. Et aujourd'hui, la médecine, elle est dépassée. La médecine conventionnelle, je suis désolée, elle est dépassée. Elle est obsolète et elle ne sert qu'une cause, c'est la médecine, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Point final. Et voilà, c'est tout. Ce sont les mêmes personnes qui décident de la viabilité des médicaments que ceux qui les vendent. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un conflit d'intérêts, encore une fois économique, avec une médecine qui a plutôt intérêt à ce qu'il y ait des gens qui consomment des médicaments plutôt qu'ils soient guéris finalement. Okay, mais qu'est-ce que tu fais des acquis sociaux dont ils te parlent tout le temps là, les acquis sociaux, on ne peut pas reposer. On est dans un monde qui bouge en permanence. Déjà, rester sur une notion d'acquis, c'est rester dans un monde figé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la permanence. Les Chinois disent c'est l'impermanence, la permanente impermanence. On ne peut pas, si on a une vision complètement figée des choses, alors on est mort. D'accord, mais les acquis sociaux qui fait qu'à un moment donné... Mais écoute jusqu'au bout, d'abord. Écoute jusqu'au bout. Mais tu mets quoi à la place? Tu mets quoi à la place? L'autogestion. Voilà. Et c'est quoi? L'autogestion, c'est les personnes qui vivent sur un espace géographique, qui sont décideurs de ce mode de vivre ensemble, d'une manière générale, sur tous les grands axes vitaux, se soigner, se loger, se vêtir, se nourrir, etc. La notion d'acquis, c'est facilement dit, mais concrètement, ça se passe comment? Parce que, attendez, les acquis sociaux, ce sont, j'imagine, je parle comme ça... Le droit du travail, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à la retraite, c'est des droits qui ont été acquis à l'issue de la dernière guerre mondiale. En France, c'est la résistance qui a élaboré le programme des jours heureux. Et c'était l'ordonnance de 45 sur la législation sur les mineurs délinquants. C'est plein de choses comme ça. On peut considérer que c'est des acquis sociaux, mais c'est aussi des droits fondamentaux. Si tu relies pas les acquis sociaux aux droits fondamentaux à une perspective d'avenir, je suis désolé, tu sors complètement de résister, c'est créer, et créer, c'est résister, et c'est surtout créer. acquis qui me gêne. Tout ce qui est acquis, c'est figé. Non, mais, oui, mais c'est peut-être après, pas le bon terme. Après, combattre sur la notion d'acquis social ou sociaux, peu importe, c'est continuer à accepter un système qui, de toute façon, est en train de mourir. Ouais. Tu ne peux pas raisonner en termes d'acquis sociaux si tu remets en question tout le système. Si tu continues à te battre pour des acquis sociaux, ça veut dire que tu continues à lutter pour ou contre ce système, mais tu continues à le reconnaître. Moi, je le reconnais même plus. Pour moi, il est en train de mourir. Donc, on ne peut plus continuer à penser de façon obsolète, toujours par rapport aux 30 glorieuses. C'est mort, les 30 glorieuses. C'est fini. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est quelque chose d'inconnu et ça fait peur, l'inconnu. Il faut construire nous-mêmes nos propres instruments politiques. Non, mais c'est pas que de la politique. C'est juste qu'il y a deux questions. C'est la solidarité telle qu'elle a été exprimée à un moment par la nation et la question de l'autonomie. Or, aujourd'hui, excuse-moi, ce qu'on propose aux gens, c'est d'être dans l'individualisme. C'est pas d'être autonome, réellement. Mais c'est d'être dans l'individualisme. C'est pas nous qui le voulons, là, le seul concept qui n'est pas évoqué, c'est l'autonomie solidaire. C'est savoir comment on peut tous être autonomes et en même temps participer d'un immense mouvement de solidarité. Tu l'évoques. Oui, bon, tu t'en fous que la nation ne l'évoque pas. Tu l'évoques. Alexis l'évoque. C'est ça qui est important. C'est créer à côté d'eux. Si tu veux toujours lutter contre, ça veut dire que tu reconnais toujours l'autre comme modèle officiel. Et là, moi, je reconnais même plus le modèle comme modèle officiel. C'est créer autre chose. Ailleurs. Je ne reconnais même plus, et je vais plus m'apparenter au mouvement Colibri pour ça. Je ne reconnais plus le système. Ce n'est pas mon référentiel. Ni en médecine, ni en éducation, ni en agriculture, ni en habitat, ni en énergie. N'y en rien. Et continuer à se battre sur des vieux modèles et des vieux schémas, c'est continuer à servir le pouvoir. Voilà, moi c'est ma philosophie. Bon, après. C'est lui donner du poids. Alors, mais moi j'ai un peu perdu l'idée que je voulais exprimer tout à l'heure. Cela dit, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je voulais juste dire que. Il y a des tas de pays, moi j'ai un petit peu voyagé, et notamment il y a des pays où en fait la propriété ça n'existe pas. On achète des baux emphytéotiques. C'est-à-dire qu'on achète le droit de vivre sur une terre pendant tant de temps. Et la terre appartient toujours au gouvernement. C'est le cas de quasiment tous les pays d'Afrique. En Afrique, on peut pas... Bon, après, c'est des pays aussi avec une justice qui est très à géométrie variable. Voilà, le Royaume-Uni, tout à fait, voilà, absolument. Et ça, c'est une formule. Alors après, c'est très utopique de croire qu'aujourd'hui, on va réussir à faire changer la loi du code de la propriété. Mais voilà, quoi, on parle de Proudhon, quoi. Moi, tout ça, ça me fait plaisir, quoi, parce que c'est rare que j'entends des gens parler du socialisme libertaire. La propriété, c'est du vol. C'est quand même une belle phrase d'un Français, quoi, illustre. Et ça, c'est une formule. Voilà, c'est des formules qui. Et en France, c'est ce qu'exprimait tout à l'heure Clem. C'est en fait, et c'est pour ça aussi, toi aussi, si tu vas être d'accord quand t'as dit que la Révolution française était une mystification, parce que la Révolution française, au lieu d'avoir pris les terres des aristos, ils ont trouvé un système pour que ça soit les bourgeois. On a juste changé de nom. On a toujours gardé une classe dominante qui était les aristos, on a fait des bourgeois. Et en fait, le peuple qui a fait la révolution, il s'est fait spoiler. Comme un petit peu en Grèce en ce moment, tu vois, avec ce qui s'est passé avec l'Europe et le couteau sous la gorge. Et voilà, c'est tout. 5 minutes.